pluie de larmes. Dites-vous, sans rendez-vous, faut-il guère pour vous revenir entre vous et vous? Depuis merveille, demandez en demandant, en demande à mander. D'espace y a-t-il un devenir meilleur ou celui-là d'ordine? Et l'autre est le meilleur. Et ceux qui sont revenus d'enfer ont-ils le dit? En revenant d'ici, puis-je vous dire d'ailleurs que le cœur sensible est une nuit qui pleure et qui de vous entend préférait le plus temps? Tel est le dur au mal d'une de la guérie des halles. C'est une pluie qui tombe comme une glace belle qu'on regarderait sans elle. En devenant meilleur, alors venant d'ici, de votre paradis, ange qui regardez le cosmos oublié. Et que se dire vivant ne serait-ce qu'un instant? Est-ce un jeu de douleur dans les sommeils des vies? Dans les jours de l'envie et de vous dire à vous qui êtes sans rendez-vous, qu'à l'ombre qui domine, espérant qu'un écho de ces larmes des eaux soit une pluie qui pleure, soit une pluie qui pleure.